Il y a eu un objet, je peux l'appeler comme ça, un appareil, que mon père a fait rentrer dans la maison. J'étais encore un gosse, c'est vrai. Il avait fabriqué un petit poste à galène. Mais t'es malin. Et il me l'avait donné, je devais avoir 9-10 ans. Et pareil, c'est un moment où j'étais fatigué, ça. Il fallait que je reste allongé. Et il me disait, ça, tu verras, c'est bien. Alors, il y avait deux petits écouteurs, un casque. On se mettait sur la tête. J'avais jamais vu ça. Il y avait une petite aiguille, une petite pointe qui rentrait dans un petit bras articulé. Petite pointe avec un petit ressort comme ça. Ça avait de la souplesse et il fallait la prendre délicatement, prendre le petit bras délicatement, puis chercher sur la pierre qui était argentée, piquetée comme un diamant. Puis il fallait poser là, puis un millimètre plus loin ou un millimètre moins loin, chercher. Alors on entendait des craquements dans les écouteurs. C'est une sorte de minerai magique. J'avais été heureux de recevoir ça. Mais c'est comme pour la première fois, au loin, très très loin, presque inaudible. J'ai entendu une voix, ou des voix. En tous les cas, c'était... on parlait. C'était émis de... peut-être... d'un autre continent. Je me suis mis à rêver. En moi, c'était ma chair qui se soulevait, mes poumons qui s'emplissaient enfin. Moi qui respirais quand même si mal. Mes poumons s'ouvraient. Il laissait entrer un véritable concert. Ça me transportait de là d'où j'étais, sous terre, bien plus haut que la chambre de l'oncle.